Chapitre 10. Le pouvoir magique de la visualisation. Évidemment, à travers toutes ces aventures, toute cette évolution, j'ai appris des choses qui ont perpétuellement ouvert de nouvelles portes. Donc j'ai pas toujours respecté l'ordre chronologique, parce qu'il y a des choses au bon fin qui se sont étalées sur 4-5 ans. Madeleine, elle n'est pas morte tout de suite, j'ai vécu plusieurs années avec elle. Donc il y a eu toute une évolution parallèle que je n'ai pas forcément entièrement détaillée maintenant. Parce que quand je passe sur un sujet, c'est plus difficile de suivre perpétuellement, strictement l'ordre chronologique. Et ça ne vous aiderait pas à comprendre tous les détails. Le maître Amram régulièrement m'enseignait l'art de la visualisation. Il m'était demandé d'être capable de contempler un arc-en-ciel en fermant mes yeux. Et maître Amram m'expliquait que le fait de pouvoir visualiser quelque chose, c'était l'art de créer. C'était l'art supérieur du mental. Si je suis capable de visualiser quelque chose, je suis capable de le créer. En tout cas, c'est le chemin. Si je suis capable de rêver des choses et d'avoir des réponses claires dans mon rêve, c'est le chemin pour être capable d'avoir un esprit victorieux, clair et tranquille. Et à chaque fois que je voulais visualiser l'arc-en-ciel, des images parasites venaient. Un manque de concentration, les problèmes de la journée. Il me fallait perpétuellement me concentrer pour être capable de ramener non seulement cette image, mais plus encore de pouvoir plonger dans telle ou telle couleur de l'arc-en-ciel et d'être capable de voir comment mon corps réagissait sur telle ou telle couleur de l'arc-en-ciel. J'étais invité à évidemment contempler les arcs-en-ciel lorsqu'il y en avait dans le ciel, à voir peut-être un dessin ou un poster de l'arc-en-ciel. Et j'étais aussi invité au lever de soleil à travailler avec un prisme qui décompose un prisme équilatéral, qui décompose les couleurs de l'arc-en-ciel, et à me plonger dans les couleurs vivantes en travaillant avec un prisme au lever de soleil, lorsque le soleil n'est pas trop fort, et de méditer sur telle ou telle couleur, de me plonger dans tel ou tel état, et de découvrir le pouvoir des couleurs. Chaque couleur amenait un état organique, biologique, énergétique, spirituel, très avancé, très profond, très fort, jusqu'au moment où j'ai été capable de plonger dans cette même couleur en fermant les yeux, visualiser l'arc-en-ciel, le voir parfaitement, puis plonger dans telle ou telle couleur dont je pouvais avoir besoin. Puis j'ai été petit à petit amené dans ce travail à travailler sur le testament des couleurs, se plonger dans telle ou telle couleur en travaillant avec des phrases bibliques que j'ai pu retrouver dans le livre du Testament des couleurs du maître Peter de Nove. En sachant que le livre du Testament des couleurs a été aussi publié par Olivier Martin, mais qu'il était très très trafiqué. Et j'ai en ma possession, je ne sais plus où maintenant puisque je ne l'utilise plus en étant aveugle, directement écrit le Testament des couleurs qui avait été copié par Yannick Perchéancier directement d'une traduction qui avait été faite par le maître Amram. Et moi, j'ai copié le livre de Yannick Perchéancier, donc j'avais un gros cahier cartonné qui est devenu le véritable livre des couleurs sur lequel j'ai travaillé pour visualiser certaines phrases bibliques et être complètement en unité et en harmonie avec l'esprit des couleurs. J'ai aussi développé par la suite, dans l'esprit des couleurs, l'art de lire la couleur. Puis j'ai développé ce qu'on appelle une lecture de couleur. Donc tout ça, ça s'étale sur des années, qui consiste au fait que si je vous donne, depuis j'ai acheté des filtres, même aujourd'hui en étant aveugle, je peux continuer à l'utiliser, vous choisissez un certain nombre de couleurs d'après un protocole que je vous impose, si je puis dire, dans lequel je vous guide, et même si je ne vous connais pas, une fois que vous avez choisi quelques couleurs devant moi, je peux vous raconter toute votre vie et surtout, nous allons dire, la carte d'identité de votre âme. C'est un travail qui est passé par tout un travail mystique avec les années de méditation, de visualisation, qui est arrivé sur l'utilisation d'un outil pratique. Et les gens sont foudroyés quand je le fais. Je leur demande de choisir des couleurs, puis après je leur dis ce que ça veut dire, et ils sont sidérés d'exactitude. Et parfois il y a des gens, je ne les ai jamais vus, ils s'assiedent devant moi, je fais une lecture de couleurs pendant une heure, deux heures, je leur parle sur eux-mêmes, et c'est fantastique, c'est fabuleux. Parce que c'est une expérience qui va nous amener à comprendre que connaître l'essence des choses, c'est arriver à l'essence même de la connaissance qui s'applique aussi par des pouvoirs, par des capacités. Donc on parle aujourd'hui, maintenant, véritablement de certains pouvoirs. Le pouvoir de visualiser, le pouvoir de créer et le pouvoir de matérialiser des choses. Ici, nous ne sommes pas dans l'esprit New Age où je visualise une petite hirondelle qui vole. Nous sommes dans une véritable intensité mentale. Mahanas, le contrôle du vent, est un exercice de contrôle mental complet, d'être un avec l'unité universelle qui est autour de nous, ou être un avec les couleurs, jusqu'à ce qu'on soit tellement avec les couleurs que l'on puisse parler l'enseignement des couleurs, l'énergie des couleurs, que l'on puisse traduire à des gens qui, à travers les couleurs, utilisent le même langage cosmique sans le savoir. Et donc, lorsqu'ils choisissent des couleurs, ils révèlent au niveau cosmique ce qu'ils sont, qui ils sont, leur carte d'identité cosmique, le reflet de leur âme, la spécificité et la recherche de leur âme dans le moment présent. Le véritable travail mystique, le véritable travail profond, quand on n'a pas peur de la vérité, quand on n'a pas peur malheureusement des mensonges, on acquiert certaines capacités, certains pouvoirs. Comme je le disais, peut-être ne l'ai-je pas dit, je ne sais plus, je vais le redire maintenant. Au début, le maître en brame me réveillait. Iji, Iji. Je me souviens de cette voix qui me tirait de mes songes. Et par la suite, je dormais, je me réveillais, j'allumais le magnétophone. Et le maître commençait à parler « Bonsoir ». Et ces choses-là se sont faites naturellement. Et en utilisant le travail des arts martiaux, j'ai appris à contrôler l'hypersensibilité. J'ai toujours souffert de l'hypersensibilité, parce que dès que quelqu'un ne m'aimait pas ou autre chose, je le sentais. Mais avec le maître Omram, cette hypersensibilité s'est développée très différemment. Une hypersensibilité qui se contrôle, qui se sent, qui produit des fruits positifs. Tout comme simplement le fait de se réveiller, allumer le magnétophone et le maître Omram commence à parler. Puis cette hypersensibilité, avec le temps, est devenue une très forte intuition. Une très très forte connexion avec des gens. Et combien de fois après, il m'est arrivé de téléphoner aux gens et de leur parler. Et après, ils me disaient « Tu m'as sauvé la vie. » J'étais sur le point de me suicider, j'étais très mal, enfin. Et d'appeler juste au bon moment, juste la bonne personne. Ceci ou d'autres choses. Un jour, j'étais dans un fast-food en Angleterre. Et j'étais avec un ami à ma droite, c'était sur un espèce de comptoir, et il y a une dame qui est venue s'asseoir à gauche, qui mangeait, une jeune de 25, 30 ans, je ne sais pas. Et à un moment, je me suis tourné vers elle et je lui ai dit, allez-y, dites-moi, c'est quoi votre histoire? Donc elle était très surprise. Et puis elle a commencé à me dire, pourquoi vous me demandez ça? Mais si, allons-y, parlons. Et on a parlé. Elle a parlé pendant 2 heures, elle m'a raconté sa vie. Et après, elle m'a dit, je crois que vous m'avez sauvé la vie. J'étais tellement désespéré. Et mon ami, après, m'a dit, mais comment tu fais ça? Mais comment tu fais ça? Et je dis, je ne sais pas. Cela vient à travers moi. Ça fait partie de l'unité de l'ensemble. On n'est pas en train de parler de délire New Age. On est en train de parler d'une véritable efficacité, de véritable pouvoir qui se développe. Plus tard, lorsque j'ai été en Bulgarie et que j'ai étudié le travail du maître Peter Denov, j'ai pu voir combien de fois le maître Peter Denov était totalement capable de choses fantastiques. Personne ne sait que le maître Peter Denov a, pendant la guerre de 39-45, sauvé 50 000 personnes, 50 000 juifs, qui, grâce à lui, n'ont pas été envoyés dans les camps de concentration, en utilisant ses capacités médiumniques. Donc, quand je retourne, par exemple, au petit maire 2 du Bonfin d'avant, qui me disait, en parlant de cette jeune fille que j'hébergeais, cette gamine, c'est une âme immortelle, c'est ce qu'elle fait, donc elle a son destin, ainsi de suite, eh bien, il semblerait que le maître Peter Denov, lui, ne connaissait rien au destin, puisqu'il s'est, il a eu la stupide idée de sauver 50 000 personnes. 50 000 juifs. Mais quand moi, je sauve une petite fille, les gens du Bonfin viennent me trouver en disant que c'est son karma. Ben, la petite fille, c'était son karma, et les 50 000 juifs, le maître Peter Denov était trop stupide pour comprendre que c'était leur karma. Il a agi pour les protéger, en utilisant totalement les capacités psychiques, largement, véritablement, en tant que mage, en tant que magicien. Le maître Omram m'a appris, comme j'avais fait au tout début avec l'histoire des vers, à créer un canal de lumière autour de moi. Un canal de lumière tout puissant qui me pénètre et qui m'entoure et qui entoure les gens avec qui je travaille pour qu'aucune obscurité d'aucune sorte ne puisse travailler, ne puisse passer. Une protection totale et absolue grâce au pouvoir du mental. Et puis à un moment, le maître Moi m'a dit qu'il était temps pour moi de laisser un peu ma compagne se reposer et de recevoir les messages directement en moi. Et quand il m'a parlé de ça, j'ai eu du mal à comprendre. Parce que pour moi, c'était vraiment elle qui avait des capacités fantastiques, c'est tout. Ou c'était plutôt le maître Omram qui avait des capacités fantastiques. Et il m'a expliqué, non, les capacités fantastiques, elles sont dans l'essence de la lumière. Et vos capacités d'être limitées, elles sont dans la croyance d'être simplement un ego. Plus vous apprenez la vérité sur la lumière, plus les mensonges de l'ego s'effacent et s'amoindrissent. Rien n'est magique ou tout est magique. Dans le monde de l'ego, rien n'est magique. Dans le monde de l'âme et de l'énergie, de la lumière, tout est magique. Mais cette magie est l'essence même de la vie, donc elle est normalement magique. C'est une façon d'expliquer que tout est accessible quand on ouvre son esprit, mais que le fait que tout soit accessible, ce n'est pas miraculeux, puisque c'est l'essence même de la lumière. Mais c'est totalement miraculeux pour les croyances démoniaques limitées de l'ego. Ces croyances limitées et démoniaques de l'ego nous amènent à être tellement frustrés, tellement triste, tellement seul, tellement désespéré, qu'on est obligé de devenir méchant, On est obligé de mentir pour pouvoir faire l'amour avec une fille. On est obligé de mentir pour avoir un peu plus d'argent et pouvoir s'acheter une voiture un peu plus grosse. On est obligé de mentir pour justifier les erreurs que l'on a faites. Le principe de l'ego, c'est que mon ego est diabolique, puisqu'il a grandi dans le mal et dans le noir, mais il ne reconnaîtra jamais qu'il l'est. Donc, il devra protéger la société. Il ne pourra pas dire « non, je n'ai pas appris la société, j'ai choisi dans la société, car dans la société, il y a une belle liberté et démocratie. » Et si je trahis quelqu'un, c'est toujours quelqu'un de diabolique. Donc il n'est pas sujet de penser sur le fait que j'ai trahi, il est simplement sujet de penser sur le fait que cette personne que j'ai trahi est diabolique. Donc en fait, je ne l'ai pas trahi, je lui ai donné une bonne leçon de lumière, car je suis toujours le super-héros. Ainsi parle l'ego. Nous reviendrons sur cette chose plus avant, mais à un moment, j'étais à Malte, et je me suis battu pour la liberté et surtout pour les réfugiés. Les réfugiés qui, à Malte, sont traités comme des animaux. Il y a 4 ou 5 camps de concentration, j'ai oublié si c'est 4 ou 5, de concentration pour les réfugiés directement à Malte. Quand je parle de camps de concentration, ils sont dans des tentes et il y a des barbelés de 4 mètres de haut. Ils sont vraiment enfermés là, c'est un camp de concentration. Lorsque les réfugiés arrivent à Malte, ils se prennent déjà un an et demi de prison. Voilà, ils sont condamnés, c'est la même condamnation, paf, pour tout le monde, un an et demi de prison. Et quand ils sortent de la prison, ils vont en camp de concentration. Et je ne sais pas ce qui est le pire, la prison ou le camp de concentration. Et moi, j'ai commencé à me battre, alors que j'avais d'autres problèmes. J'ai commencé à me battre et à faire beaucoup de révolutions. Et on a beaucoup parlé de moi à Malte pour tout ce que je faisais. Jusqu'au moment où j'étais tellement dérangé que j'ai été arrêté. J'étais mis en prison et ils ont commencé à me torturer. Absolument. Démocratie, mon cul. Vous savez, vous avez beaucoup de rêves qui existent sur la société parce que vous n'avez jamais testé votre pseudo-liberté. Vous vivez dans votre cellule, dans votre prison, et vous n'avez jamais tenté de mettre un bras ou une jambe dehors. Donc, vous pouvez tout faire, puisque c'est une théorie que vous n'avez jamais essayé de pratiquer. Si un jour vous essayez de mettre un bras ou une jambe dehors, vous allez voir combien votre démocratie est terriblement limitée et fasciste. Mais vous ne savez pas, puisque vous avez décrété que la liberté existe et que vous n'avez donc pas besoin d'expérimenter. Donc vous restez dans votre prison. Donc vous êtes libre. Voilà le mensonge de l'ego. Et lorsque j'étais torturé en prison, il y avait mon fils qui était à Malte, mais de l'autre côté. Et il y avait aussi ma copine, Pam. Pam a été la joie de ma vie, au niveau humain. C'est une fille que j'ai rencontrée qui était totalement détruite. Je l'ai reconstruite totalement. Et c'est une fille qui, d'essence, était brillante, très élevée. Et une fois qu'elle était entourée par des gens, une fraternité avec laquelle nous vivions, que j'avais créée, des activités, du sport, elle est devenue extraordinaire, exceptionnelle. Elle a simplement libéré tout son potentiel. Déjà, elle parlait, je ne sais combien, français, anglais, allemand, luxembourgeois, parfaitement. Mais vraiment parfaitement. Impossible d'entendre l'accent, quelle que soit la langue. Et en sport, elle était brillante, en danse, dans les arts martiaux, elle est devenue brillante avec moi. Elle était extrêmement heureuse d'aimer et d'être aimée. Et elle et moi, avec le temps, avons construit un amour fantastique, fabuleux. Nous nous aimions infiniment. J'étudiais d'elle les langues étrangères, parce qu'elle était si brillante là-dedans, elle adorait enseigner. Et elle étudiait avec moi la spiritualité et tout le reste. Et nous étions fabuleusement heureux ensemble. Au niveau du sexe, nous n'arrêtions pas, parce que je suis très physique, parce qu'elle était très physique. Et ça a toujours été un échange véritable, une passion fantastique. Et quand j'étais arrêté, elle était très très perdue, évidemment. Mon fils voulait l'aider aussi, et une fois que le gouvernement maltais a décidé quelque chose, il n'y avait rien à faire. Et étant désespérés, ben, ils se sont solidarisés. Ils se sont tellement solidarisés, qu'ils se sont encore plus solidarisés. Et oui, ils sont devenus un couple. Mon fils a baisé avec ma copine pendant que moi, j'étais torturé en prison parce que j'avais protégé des gens. Quelle horreur, hein? Quelle diablerie! Lorsque vous êtes avec la lumière, le mal est capable de frapper et de frapper et de frapper encore jusqu'à ce que vous tombiez à genoux. Et en prison, je me répétais des choses magiques. Je marche dans la vallée de l'obscur, mais je sais que tu es à côté de moi et que je n'ai pas peur et que je ne tomberai pas. Et je me répétais cette phrase que me répétait toujours Pam. Dans les étoiles, Bowen, dans les étoiles, qui venait du film Dragon's Heart. Et lorsque je suis sorti de prison, après un an de torture, détruit et aveugle, au bord de la mort, lorsque j'ai rencontré Pam, j'ai voulu la prendre dans mes bras, l'embrasser. J'étais tellement heureux d'être encore vivant et d'enfin la retrouver. Elle m'a craché dessus. Je parle au sens physique. Et évidemment, j'étais là. Je suis mort encore plus quand elle a fait ça que torturé en prison. C'était encore plus dur, encore plus violent. Comment aurais-je pu deviner que à côté d'elle se tenait non pas mon fils, mais son copain. Il fallait bien qu'elle m'empêche de la prendre dans ses bras et de l'embrasser. Il m'a fallu un certain temps pour m'en remettre, évidemment, et pour comprendre. Plus tard, mon fils n'a pu exprimer qu'une seule chose. Il a appris de la part de Pam que je suis le diable, que j'ai torturé Pam, que je l'ai même violée et enfermée dans une pièce pour l'obliger à faire l'amour avec moi. Je l'ai laissée sans manger, sans boire pendant je ne sais combien de jours. Enfin, je l'ai détruit, je l'ai torturé. Et je pense que ce sont des mensonges de Pam qui était très troublée avant et qui est retombée dans le trouble une fois que j'étais plus là. Et aussi de Miku qui a besoin de mon fils, qui avait besoin de bondir sur ça et d'y croire. Hein? De façon à ne pas être le monstre démoniaque et diabolique qui a été baisé avec la copine de son père tandis que celui-ci était torturé. Mais maintenant, il est un super-héros qui a sauvé la vie d'une pauvre fille qui était torturée par le diable. Donc, en allant baiser avec la copine de son père alors que celui-ci est torturé en prison, il devient un super-héros. Il a fait une action fantastiquement positive et courageuse. Ainsi va l'ego. Donc, cet événement-là, il est vraiment le visage du diable, mais on le retrouve partout. On le retrouve partout. Partout, l'ego a raison de tuer, de massacrer. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'en se faisant, en faisant ces choses-là, la mémoire se cumule dans votre inconscient et vous vous détestez et vous ne croyez plus en rien et vous enfermez dans une boîte terriblement épaisse, votre âme, qui ne peut plus exister. Si vous travaillez sur la pureté de vous-même, en méditant sur la beauté de votre âme, et en méditant aussi sur la laideur de votre ego, et en disant « Ah, j'ai fait ceci, ah, j'ai dit telle réflexion, ah, j'ai agi comme ça, je dois corriger, je dois corriger. » Et je corrige parce que je suis motivé par la beauté de mon âme. Et plus je corrigerai l'horreur de mon ego, les mensonges de mon ego, l'éducation de la société, et plus je libérerai mon âme. Et quand mon âme est libre, la puissance magique est là. La force de la lumière, des neutrinos qui passent à travers tout. Alors j'ai commencé à apprendre à être en contact avec le maître Amram directement, qui est venu pénétrer tout mon corps et m'habiter totalement. Et j'entendais une seule phrase, forte, puissante, mais pas plus. Par rapport aux longues heures de conversation avec le maître Amram, j'étais un peu frustré. Alors, dans l'esprit de tout ce que je connaissais, un week-end, j'ai commencé à travailler pour atteindre quelque chose de plus élevé, de plus précis, de plus performant, car on peut toujours progresser et en trouver plus. Donc, j'ai décidé d'établir un contact plus fort, plus stable avec le maître Amram pour pouvoir travailler plus profondément. Je savais que les contacts étaient plus forts qu'à travers ma copine, parce qu'à travers ma copine, c'était très spectaculaire, j'enregistrais. Tandis qu'à travers moi, c'était une sensation incroyablement forte en moi, mais il n'y avait plus rien de spectaculaire à l'extérieur. Alors, un soir, j'ai médité pour développer la capacité de développer mes connexions avec le maître Amram. Et j'ai essayé d'avoir l'intuition, l'inspiration, le message du bon travail à faire pour avoir une connexion plus forte. Mais ce travail de méditation intense n'a rien donné. Alors, j'ai travaillé autre chose, l'inconscient, qui consiste avec un protocole particulier. Ça n'est qu'un protocole, bien entendu, ne soyez pas mystique, hystérique, qui consiste à écrire une lettre pour demander à l'esprit cosmique et à l'énergie de nous donner la solution. Comme la lettre que j'avais écrite au maître Amram, qui m'avait répondu directement sans la lire physiquement. Donc j'écris une lettre au maître Amram, à l'esprit cosmique, pour avoir une meilleure connexion. Puis je mets cette lettre sous l'oreiller. Je sais que ça va vous faire sourire, mais en fait, c'est un protocole pour demander à l'énergie, à son inconscient, à recevoir à travers le rêve la réponse, pour me connecter avec l'esprit, l'esprit céleste. Mais le matin, je n'ai aucun rêve, aucune mémoire. Alors, je me lève très tôt et je vais faire un lever de soleil en travaillant sur les couleurs, sur la visualisation, sur le lever de soleil. Puis ensuite, je fais la gymnastique traditionnelle du maître Amram et du maître Peter Donov. Puis ensuite, je fais des exercices de Qigong. Puis je fais aussi des exercices de Pranayama, le contrôle respiratoire, avec des visualisations sur des qualités pour rejeter des défauts sur chaque couleur, c'est-à-dire sur chaque chakra, pour continuer dans ce travail particulier. C'est très technique, mais très puissant. Puis ensuite, je fais un transfert d'énergie sur un arbre. C'est-à-dire, c'est rentrer en unité avec l'esprit de l'arbre et comprendre le point de vue de l'arbre, mais recevoir toute son énergie et lui donner en même temps énormément d'amour humain. Et tout ça est très fort, me remplit d'une puissance infinie, mais je n'ai toujours pas la réponse. Alors, je me tourne vers la forêt et je salue la forêt avec ma main droite, comme on le fait à la fraternité. Et je dis simplement merci. Et là, quelque chose me traverse, fort, intense, puissant, cosmique, donnant une seule phrase. Tu as ta réponse. Travaille chaque seconde. Tu as ta réponse. Travaille chaque seconde. Et là, en même temps, j'ai compris. tous les exercices que je faisais pour avoir la réponse étaient déjà la réponse. Chaque chose que j'ai fait pour essayer d'avoir la réponse et qui me semblait être un échec, s'est transformé en victoire avec cette simple phrase. Tu as ta réponse. Travaille chaque seconde. Pranayama, transfert d'énergie, Qigong, gymnastique, lever de soleil, visualisation, connexion avec ton inconscient, méditation. Plus tard, j'ai découvert le pranisme, c'est-à-dire l'art de pouvoir atteindre à ne manger que de la lumière, même plus des graines germées, que de la lumière, et donc à ne plus manger du tout. Ça ne se fait pas dans un délire mystique, ça se fait lentement, c'est une transformation légère, mais qui peut prendre cette direction dans la paix, dans l'amour, qui peut s'accomplir. Et cette phrase est revenue de la nature, de Pachamama, de l'énergie de la nature. Tu as ta réponse, travaille chaque seconde, tourne-toi vers la nature, tourne-toi vers l'essence cosmique, écoute et apprends. Travaille chaque seconde. Quel bonheur que d'avoir ce compagnon qui ne nous trahira jamais. Pas comme les humains, pas comme l'ego. Et ce week-end-là, j'ai travaillé dans un centre où je travaillais pour aider, qui était un centre extrêmement violent. À Sakuni, à Lyon, c'était un centre extrêmement violent où des gens, des jeunes de presque 18 ans étaient censés être en prison mais ne l'étaient pas encore parce qu'ils n'avaient pas 18 ans. Donc c'était tous des gens ultra violents, ultra. Il y avait souvent des bagarres, souvent il m'a fallu désarmer des gens avec des poignards, enfin bon, j'utilisais largement les arts martiaux. Et c'était, quand j'allais là-bas, très dur, très violent. Mon record, ça a été 7 KO en un week-end. Pas 7 KO chez moi, mais 7 KO chez 7 jeunes différents qui étaient déchaînés, et voilà. Et ce week-end-là, tout était parfait. C'était de l'ordre de l'impossible. J'ai travaillé avec ces jeunes, c'était des enfants adorables. Adorables. Et en sortant du week-end, j'étais là, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est fantastique ce qui m'arrive, c'est merveilleux. J'ai contact avec la nature, je vais dans un endroit où c'est des super loubards et c'est tous des petits bébés adorables. Je suis en train de toucher quelque chose. C'est amusant quand j'ai dit « je touche quelque chose », quelqu'un a frappé à la porte. C'est, sans être fanatique, cela aussi, l'énergie cosmique. Il y a une espèce de connexion, de symbiose avec toutes ces choses-là. Comme si tout était cohérent et magique. Et donc, quand je suis monté, j'étais dans ma voiture en train de parler. Oh, Iji, ce que tu fais, c'est fantastique. Tu es en train d'atteindre un niveau fantastique. Là, une phrase m'a traversé, forte et puissante. Sois humble. L'orgueil est un bouclier contre ton guide céleste. Sois humble, l'orgueil est un bouclier contre ton guide céleste. Et après, je conduisais très très bas sur ma voiture, je regardais en dessous du volant pour regarder devant. Ok, bon, d'accord. Et quand on est en contact avec ça, il y a un tel scénario, une telle puissance, une telle force. Et puis j'ai appris à être de plus en plus en contact avec le maître Mam. Un autre week-end, en travaillant avec le même centre, j'étais avec ces mêmes jeunes, nous étions dans une galerie marchande, puisque je travaillais le week-end avec eux, et j'étais vraiment épuisé. Et je me suis dit, je vais m'acheter un livre du maître Mam. Les œuvres complètes, c'est des grands livres blancs. Donc je me dis, je vais m'acheter ça vite fait. Donc je suis rentré dans une librairie, j'ai dit aux jeunes, vous ne bougez pas. Et je savais que je devais sprinter à toute vitesse, parce qu'au bout de 2 minutes, ils avaient vidé 3 magasins. Donc, vous ne bougez pas. Et je suis rentré dans la librairie, j'ai vite acheté un livre de Maître Amram, et hop, j'arrive à la caisse, et je vois, oh mince, je me suis trompé. C'est pas le livre de Maître Amram. C'était un livre qui ressemblait un peu, j'avais vraiment fait très vite, et c'était « Dialogue avec l'ange » de Gita Malach. Je regarde le quatrième de couverture, c'est quelqu'un qui était en contact avec des anges. Je dis, oh, bah, alors ça c'est rigolo alors. Bon bah tant pis, je l'achète, j'avais pas le temps de repartir et tout, donc je l'ai acheté. Et en une semaine, peut-être maximum, j'ai lu ce livre. Ça m'a foudroyé, parce que... quelque part, c'était aussi mon histoire, c'était ce qui était en train de se passer avec un scénario un peu différent, mais c'était aussi ce qui était en train de se passer. Et quand j'ai fini le livre, je me promenais à Lyon, et je marche l'après-midi, je me retrouve nez à nez, j'étais libre, je me retrouve nez à nez avec une affiche, conférence de Gita Malach. Oh, bah c'est quel jour? Oh, bah c'est aujourd'hui. Bah c'est... Oh, bah c'est maintenant. Bah c'est où? Oh, bah c'est juste la rue à côté. Ah, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dû y aller. Donc je suis rentré et j'y suis allé. Et c'était un micro ouvert, open mic, je ne sais pas si on dit comme ça en français, donc on pouvait discuter avec, on prenait le micro, on posait des questions. Et les gens ont posé des questions très très compliquées. Et moi j'ai posé une question qui venait de mon cœur, simplement parce que c'était quelque chose qui me troublait. Et à un moment, j'ai pris le micro et en fait, j'ai fait référence à ce que je vivais, parce que c'est ce qui m'est arrivé la première fois où le maître Amram est venu. Et je lui ai dit, Gita, lorsque les anges sont venus pour la première fois, votre cœur s'est enflammé, votre âme a explosé de joie, de bonheur. Vous avez connu une explosion, une intensité de lumière si fantastique, si fabuleuse. Vous n'avez pas peur un jour d'oublier cela et de le perdre? Elle a simplement souri. Elle m'a regardé avec un sourire et elle m'a simplement dit « Tu ne pourras jamais perdre ça. Ça t'appartient et ça fait partie de toi pour toujours. » C'est tout. Rien d'autre. Et vous savez, quand les gens posaient des questions, elles répondaient pendant 5 minutes ou 10 minutes ou une demi-heure. Donc j'aurais pu être là et dire, bon, moi je suis vraiment un paquet de merde, hein, parce qu'elle a répondu en 30 secondes, 10 secondes. Et je n'ai pas posé d'autres questions. À la sortie, elle devait repasser à travers toute la salle, parce que c'était dans un ancien cinéma, ce n'était pas un théâtre, donc elle n'avait pas d'autre choix que de passer par l'entrée, si vous voulez. Donc elle est passée par les rangées quand elle est partie, et j'étais assis au bord du couloir, et quand elle est passée à côté de moi, elle m'a mis la main sur l'épaule, elle s'est accroupie, enfin penchée vers moi, elle m'a susurré à l'oreille, elle m'a dit « c'est bien ce qui t'arrive, continue ». Elle avait compris. Elle avait compris que la question que j'avais posée n'était pas la question de quelqu'un qui avait lu, mais de quelqu'un qui avait vécu. Même si je n'avais pas posé la question dans cet esprit-là. J'étais tellement dans mon aventure, je n'avais pas réalisé que je pouvais révéler quelque chose comme ça. Et après, je me suis dit, waouh, cette femme est fantastique. Elle peut vraiment m'aider. Et j'ai voulu aller la voir, mais à la fin, il y avait une centaine de personnes autour d'elle qui voulaient des autographes, qui voulaient, c'était la course à la fan, et ainsi de suite. Je ne supporte pas le truc de meute comme ça, d'adoration, comme je disais au Bourfin ou ailleurs. Donc après, je suis parti. Et une fois rentré chez moi, je me souviens que j'ai parlé avec non pas Maître Amram, mais aussi mon guide, parce que donc c'est une entité de lumière, on va dire, que je commençais à fréquenter aussi, si je puis dire, parce que Gita Malach avait dit quelque chose de très particulier, que je n'avais jamais considéré. Moi, je parlais avec le maître Amram à cause des questions que j'avais posées, à cause des relations que j'avais avec lui, parce que le maître Amram était très, très avancé, etc. Et Gita Malach, elle dit, nous avons tous un ange de lumière. Et quand j'ai entendu ça, je dis, quoi ? Attendez, en ce temps-là, on était 6 milliards, quelque chose comme ça, 6 milliards et demi, 6 milliards et demi d'anges. Et le travail que j'ai fait à ce moment-là, j'étais un peu plus avancé, donc j'avais des contacts plus stables. donc directement, et j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Et les entités ont dit oui. Alors je dis, mais attendez, attendez. Comment vous vous organisez? Quand un parle à l'autre, comment est-ce que vous savez que comment vous vous organisez? Comment c'est possible? Tellement d'entités qui s'occupent de tellement d'humains, c'est impossible. Et ils ont répondu cette chose, ils ont rigolé intérieurement, enfin en moi, c'est un peu difficile à expliquer, puis ils ont dit, nous avons notre vie propre, mais nous pensons tous avec le même cerveau. Et c'est le but à atteindre pour l'humanité, c'est l'essence de ce que nous enseignons. Waouh! Ici, on avance sur un chemin d'amour, de lumière. Puis les guides m'ont dit, travaille avec elle, elle peut te montrer tant. En parlant de Gita. Donc après ce travail-là, encore plus touché par ce message et par ces découvertes, je me dis, ah, je suis vraiment bête. Alors, le lendemain, j'ai décidé de retourner dans ce cinéma. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un stage, qu'elle fait quelque chose, que je pourrais la rencontrer, je vais m'enseigner, je vais voir. Donc je retourne dans ce cinéma, sachant que Gita Malach ne travaillait pas spécialement là, hein. Elle faisait des conférences un peu partout, elle tournait en France, elle n'était pas du tout attachée spécialement à cet endroit, elle était passée par là. Et quand j'arrive pour faire les papiers, Gita arrive en même temps, et cette fois-ci on n'est que tous les deux. Et quand je l'ai vue, elle me dit, ah, je sais pourquoi je devais revenir. Elle a fait un petit truc avec les gens du cinéma pendant 3 minutes et nous avons passé l'après-midi entier à discuter. Et ça a été le début d'un grand amour et d'un grand échange. Et avec elle, j'ai aussi appris énormément. Une autre fois, le maître Omram m'avait dit de travailler avec les deux sœurs. Alors quand il parlait des deux sœurs, c'était deux sœurs du bon fin, qui n'étaient pas du tout des sœurs physiques. Hein. Je me souviens une fois de ma compagne qui n'était pas toujours très flèche sur toutes ces choses-là. Et à un moment, au bon fin, il y avait une sœur qui lui avait dit « Votre frère est par là !» En parlant spirituel, elle dit « C'est pas mon frère, c'est mon copain !» J'étais vraiment une bouseuse. Il faut comprendre le langage monfinois, enfin Et donc, de la même façon, quand on parlait des deux sœurs, c'était deux femmes mariées qui n'étaient pas du tout sœurs physiquement et autres. Et on me contacte, enfin, Maître Omram me contacte, elle me dit, il faut travailler avec ces deux sœurs, tu vas les contacter et tu vas leur demander, ils vont travailler sur toi. Ben, moi, je suis obéissant et j'accomplis toujours les choses qui peuvent apporter de l'aventure. Donc, je contacte ces deux sœurs. Un numéro que j'avais, je ne sais plus comment je l'ai eu, mais enfin, ça, c'était pas mystique. Hein. Je l'avais de quelqu'un, quelque part. Je ne sais plus, j'ai oublié maintenant. C'était il y a très longtemps. Et une des deux me répond, elle me dit, bah oui, ça doit être possible. Tu voudrais faire ça quand? Je dis, bah, je ne sais pas, le plus tôt possible. Elle me dit, le plus tôt possible, mais attends, il y a 2 ans d'attente avec nous. Parce qu'elles étaient très connues, très réputées aussi au bon fin. Donc, 2 ans d'attente, en moyenne. Je dis, ah bon, j'étais un peu surpris, quoi, parce que Maître Moi m'avait dit de travailler avec eux. Et maintenant, il y a 2 ans d'attente. Je dis, bon, oui, je suis d'accord. Ben, dites-moi. Et avant de prendre le rendez-vous, elles me disent, attends, j'ai un petit doute dans ton cas. Alors, tu sais quoi? Tu vas me rappeler dans une demi-heure, je vais vérifier quelque chose. Mais je n'ai pas idée de quoi elle parle. Hein. Elle ne m'a pas expliqué. Je dis, d'accord. Donc, je rappelle une demi-heure après. Elle me dit, d'accord, viens demain matin. Il y a un réseau, un network, un réseau qui existe, qui est là, tout puissant. Et lorsque les choses sont inspirées, les choses s'emboîtent magiquement. Et quand on travaille dans ce réseau, il y a une coordination qui s'organise, des clins d'œil cosmiques perpétuels qui sont pas un simple hasard, comme je dis. Moi, j'ai rencontré un monsieur au bon fin Il m'a dit tous les matins, il va méditer au rocher quand les gens ont fini de méditer ou avant, j'oubliais ce qu'il me racontait. Et il me disait, à chaque fois que je vais méditer, il y a les mouettes qui volent au-dessus de moi. Je les attire par mon énergie, ainsi de suite. Alors je lui dis, on va quand même se calmer. Hein, parce qu'il faut savoir que les mouettes, ils vivent au bord de mer. Mais par contre, le soir, ils volent au dépôt d'ordures qui est de l'autre côté là-bas. Tu vois? Et ils vont vider les ordures, bouffer dans les ordures. Et puis le matin, quand il fait bien jour, bien clair, hein, puis ils revolent au-dessus de la mer, ils passent au-dessus du rocher. Que tu médites ou pas, c'est les mouettes qui vont rocher, dépôt d'ordures, ordures, rocher, plage. Plage, dépôt d'ordures, ordures. Et au milieu, il y a le rocher, que tu médites ou pas. Donc il faut bien faire la distinction entre les choses qu'on veut visualiser. Et puis là, c'est quand même pas les mouettes qui passent par là. Elle me dit 2 ans d'attente, retéléphone dans une demi-heure, d'accord, viens demain matin, à 9h. Et là, il y a quelque chose. Plus tard, donc j'ai travaillé avec elle, c'était très très très fort, et ça a énormément aidé à clarifier encore une fois, à nettoyer le corps de certaines forces négatives, diaboliques, tristesse, rage, colère, etc. Et plus tard, je m'étais inscrit pour un stage avec elle. Et là, j'ai demandé aux forces célestes, j'ai dit, quand je vais rencontrer les deux sœurs, est-ce que j'ai quelque chose de particulier à faire? Et les entités me disent, il y aura une conversation sur la pureté. Et la pureté est une chose très importante que tu as commencé à travailler avec elle et que tu devras approfondir avec elle par une longue conversation. Ok. J'étais fort surpris parce que j'allais à un stage qui commençait à 9h du matin jusqu'à 10h du soir. Il y avait énormément de monde et une conversation sur la pureté. Je me dis, à moins que ce soit un travail qu'on fait tous ensemble à un moment, je ne vois pas comment je pourrais avoir une longue conversation avec elle sur la pureté. Mais bon, de toute façon, j'y vais, on verra bien. Le lendemain matin, vers les 4h du matin, parce que c'était très loin, 5h du matin, 4h, je suis dans le parking, je prends la voiture, j'essaie de réparer le moteur, j'ai pas réussi, je ne suis jamais parti. Donc je suis rentré chez moi, très en colère et très frustré, parce que ce stage était très important pour moi. Et encore plus avec la preuve absolue, que les contacts divins, c'était de la folie furieuse. Car si j'avais été en contact véritablement avec des entités, elles auraient su, puisque j'avais ça le soir, que ma voiture était déjà en panne. N'est-ce pas là une preuve que j'invente tout? Alors, je suis très en colère et je me dis, bon, je fais plus ce truc-là, je suis débile, je suis en train de m'enfoncer dans la folie. Et je rejette ça. Au bout d'une semaine, ça me travaille quand même, parce que c'est tellement merveilleux, tellement fantastique, je savais que je perdais quelque chose. Donc je reviens vers ce travail sans parler de ça. Et là, j'ai reçu un message. J'ai dit, mais soyons sérieux, parce que je parle aussi, j'ai soyons sérieux. Tout ce que je dis, je peux l'inventer. Je peux être très pédagogue, j'ai une grande connaissance, j'ai déjà beaucoup étudié, je peux inventer les réponses. Quelle est la preuve que ce que je dis, ce n'est pas de la folie? Et la réponse est venue forte, puissante, comme toujours. Ne doute pas. Le doute mène à la folie. Vous allez dire que c'est une réponse très simple, mais c'est une réponse forte et puissante. Alors, j'ai travaillé dans l'esprit samouraï. J'ai ignoré cette erreur que j'avais faite et je me suis concentré sur mon travail. 6 mois plus tard, pour mon travail professionnel, j'étais dans le sud de la France. À ce moment-là, j'habitais à Lyon. Et je passe dans la région où ces deux sœurs habitent, sachant qu'elles sont toutes les deux mariées, sont toutes les deux mamans, donc elles ont deux maisons différentes. Mais il y a un endroit où je me dis, je passe devant moi, ça pourrait être là, ça pourrait être là. Et j'ai l'après-midi libre, je me dis, allez, j'étais plus en contact, je vais aller, j'essaye. Je vais à une maison en essayant de, en frappant, en essayant de me renseigner pour savoir si les gens savent s'il y a une des deux personnes qui habite dans le coin. Et en fait, je suis arrivé directement chez une des deux filles. Et la deuxième était là, elle était en train de prendre le café. « Oh, Iji, ça nous fait plaisir de te voir. Ben, rentre !» Et on prend le café ensemble et on discute très longuement sur la pureté. Et quand cette conversation est arrivée, cette rencontre est arrivée, c'était vraiment spontané. J'avais oublié cette histoire de message et d'accident regrettable. Donc c'était une super après-midi, j'étais super content, parce que c'est rare de rencontrer des gens qui savent, parce que toutes ces choses-là sont restées très secrètes pendant très longtemps, donc je n'échangeais avec personne. Et après, je sors, j'étais super content, puis je conduis quoi, 3 km, j'ai mince, et je reconnecte les choses ensemble. Alors je m'arrête. Je médite, je pose des questions, enfin je me concentre, j'ouvre le canal de lumière. Et là, une réponse vient. C'était à peu près, nous t'avions dit que tu aurais une conversation sur la pureté. Et nous t'avions dit que la pureté est une chose extrêmement importante. Et le doute salit la pureté. Tu dois être dans l'unité totale, la foi et la force complète. Nous t'avions dit qu'il y aurait une conversation sur la pureté. Nous ne t'avons jamais dit quand. Le quand, c'est toi qui l'as projeté. La projection de ce que tu crois, c'est une porte vers l'impureté. Notre message et notre enseignement est tourné vers la pureté. Et ils ont donné la date précise du stage que j'avais oublié, tu as étudié la patience et la foi. Ne doute jamais. Le doute mène à la folie. J'étais tellement touché par ça. Ma conclusion était de dire, c'est génial. C'est d'une puissance pédagogique cosmique, c'est génial. Et finalement, que ce soit moi qui l'invente, ou que ce soit les guides, je m'en fiche totalement, parce qu'il y a un génie. Je suis en contact avec une force géniale, et de savoir d'où il vient ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est de reconnaître la puissance fantastique, pédagogique, de ce scénario. Et ça est plus fort que tous les livres et que tous les discours que vous pourrez entendre. Les guides célestes ont une puissance pédagogique de scénarios merveilleux, incroyables. Si nous, en tant que prof physique, on pouvait dépendre de scénarios, on pouvait utiliser des scénarios comme ça, nos élèves seraient pulvérisés au plus haut sommet. Malheureusement, nous ne pouvons que parler, enregistrer des choses, expliquer. On a de bien faibles moyens pédagogiques comparés aux guides célestes, qui peuvent entrer en nous et au travers d'autres personnes. En étant en contact avec eux, un jour, je fais l'amour avec ma copine. Et comme je suis très physique, on fait plein de choses très chaudes, très intenses. Moi, je fais l'amour comme je m'entraîne dans les arts martiaux. Je ne dis pas que je suis frappe, hein, mais je transpire. Je veux dire, après une session de sexe, je suis épuisé. On fait tout, on lèche tout, on danse, on s'embrasse, on s'entraîne, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Et par rapport à l'Église catholique, je ne fais pas toujours des choses très très propres et très classiques. Hein. Puis après, et moi quand je jouis, quand c'est avec toute la puissance, mon corps explose de joie, de bonheur, d'intensité. Après, je pars promener mon chien. Je suis dans une cité où j'habite, à Lyon, et là je me dis, oups, ils ont tout vu. Eh oui, s'ils sont toujours là, la première fois, je me suis dit, oups, ils ont tout vu, mince. Et là, les guides viennent et disent, nous ne sommes pas là, pour juger. Et il est étrange de voir que tu ne penses jamais que nous sommes là lorsque tu fais pipi ou caca. Ce n'est pas non plus très divin. Mais la relation sexuelle est à mi-chemin entre le physique et le spirituel. Ta façon sexuelle d'aimer totalement est ta façon de nous aimer. Tu nous aimes avec ton corps énergétique et tu aimes ta partenaire avec ton corps énergétique et ton corps physique. Et cela est glorieux. Cette pédagogie de travailler sur les imperfections, sur les faiblesses, sur l'orgueil, et en même temps de toucher, d'accepter des choses, c'est tellement puissant, c'est tellement motivant. Un jour, je pars en randonnée, comme je faisais souvent, en Ardèche. Des fois, j'habitais en Ardèche, des fois, j'habitais à Lyon. Des fois, c'était à Lyon, ou Vienne, qui est juste à côté de Lyon, et des fois, c'était à Vals-les-Bains, qui est une petite ville à côté d'Aubenas, en Ardèche. Donc, j'ai eu des périodes où j'habitais soit dans un coin, soit dans l'autre. Et aussi, évidemment, j'ai habité assez longtemps à Fréjus, qui était directement dans le sud, selon les périodes. Donc, à ce moment-là, j'étais, par exemple, en Ardèche. J'ai fait une randonnée en Ardèche, plus si j'habitais là, mais pendant une dizaine de jours. Et la plupart du temps, comme je disais, j'étais nu. Je marchais au soleil, caché de la vision des gens. Je me faisais bronzer. Souvent, quand je revenais, ma copine me disait « Oh là là, t'es noir !» Je me bronzais sur les rochers, souvent en écoutant les cascades. Enfin, j'adorais ça, quoi. Et un jour, couché dans l'herbe, avec une super forme, je me suis masturbé. Ah oui, parce que j'étais bien, parce que mon corps était vivant, parce que ça faisait des jours que j'étais seul, et je me suis masturbé. Et puis après, j'en ai parlé au guide, la masturbation. Et ce qu'ils ont simplement dit, c'est quoi de plus naturel qu'une source bouillonnante et jaillissante au milieu de la source bouillonnante et jaillissante de la nature? Ben voilà. Si je voulais être coupable, c'est raté. Et enfin, à un moment, quand les gens du Bon Fin commençaient à me fatiguer avec les histoires du maître Peter de Nove, je précise qu'en fait, il y a 4 ou 5 personnes, à travers de la médiumnité, à travers des accidents, qui étaient tous obsédés à vouloir que je sois la réincarnation du maître Peter de Nove. J'ai dit, foutez-moi la paix. J'étais vraiment très en colère. Et un jour, je vais au rocher, donc là j'étais à côté, à Fréjus, je vais au Capitou, au rocher, et là, puisque j'avais appris avec le temps à me brancher avec d'autres entités, des entités différentes, Maître Amram, le guide de lumière, un groupe d'âmes de lumière, une entité sur la musique, enfin différentes entités. Je me suis dit, j'ai jamais invoqué le maître Peter de Nove. Lui qui était si élevé, qui était le maître du maître Omram, j'ai jamais invoqué le maître Peter de Nove. C'est stupide. J'ai jamais pensé. Donc je suis là, au rocher, je crée un canal de lumière et j'appelle le maître Peter de Nove. Et la seule réponse qui vient, c'est « Tu ne peux pas t'invoquer toi-même. » Et je dis « Oh non. Oh non. Oh non. » Et j'étais seul au rocher, et j'ai pleuré, et pleuré, et pleuré. Et j'ai mis à peu près un an où j'étais très mal et très malade pour accepter ça. Et enfin, j'ai fini par l'accepter. Mais je l'ai accepté à ma façon. C'est-à-dire que le maître Peter de Nove sera toujours appelé le maître Peter de Nove. Et moi, je suis Iji. Et ce qui a été fait dans une vie ne change rien à la responsabilité de cette vie. De surcroît, j'ai appris que le maître Peter de Nove était une explosion, une intensité d'âme, et que pour être capable d'accomplir cela, c'est très bizarre à expliquer, mais plusieurs âmes se sont regroupées pour avoir la puissance du maître Peter Donov et accomplir sa mission. Dans d'autres termes, il y avait deux ou trois âmes à l'intérieur de l'âme, de la puissance manifestée du maître Peter Donov. Ce sont parfois des accords qui existent dans les âmes pour être capable de manifester quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus puissant. Et je me souviens que, comme j'ai toujours un esprit moqueur, je me suis dit, ah ben finalement, je vais faire partie du club des Peter Donov du Bonfin. Mais je n'en ai jamais parlé au Bonfin, parce que là, c'est hors de question. Je n'en ai parlé qu'à très peu de gens, en fait. Maintenant, vous allez dire, bah, maintenant t'en parles, rigolo. Oui, maintenant j'en parle, mais j'en parle à des gens qui ne connaissent absolument pas, pour la plupart d'entre vous, le maître Amram ou le maître Peter Donov, mais ça ne veut rien dire pour vous. Parce que Peter Donov, ça ne veut pas dire grand-chose, pour la plupart d'entre vous. Et évidemment, quand j'ai plus tard, j'ai été en Bulgarie, à la recherche de tout cela, les gens étaient très surpris parce que je connaissais les endroits. Et j'ai été dans la maison du maître Peter Donov, qui était un peu cassée, et j'étais vraiment chez moi. Et il y avait une réunion des Bulgares, des disciples du maître Peter Donov, et devinez quoi, quand j'étais là-bas, ils ont fait une réunion sur les rayons des couleurs. Je connais un petit peu les rayons de couleurs, n'est-ce pas ? Et après, on s'est mis en groupe de quatre, et chacun devait incarner une couleur et expliquer la couleur. Et donc, ils essayaient comme ils pouvaient. Certains l'ont fait pas trop mal, d'autres, c'était pas terrible. Et puis, dans toutes les couleurs, il y a la couleur suprême, qui est la couleur du diamant, et qui est la couleur supérieure, quoi, qui est l'ensemble des couleurs. Et j'étais avec un groupe et je me suis retrouvé sur ce rayon-là. Et je me suis retrouvé avec trois, parce que c'était des gens qui venaient un peu partout. Mais moi, je n'y connais rien. Moi, j'y connais... Bon, je sais pas. Non, non, non. Et ils sont tous tournés vers nous. Ils disent, vas-y, toi, parle, parle. Parce que nous, on n'a aucune idée. Et donc, au bout d'un moment, au lieu d'être à quatre, je me suis retrouvé seul. Et quand ça a été le tour des rayons de la couleur diamant, ben, je me suis levé et je leur ai expliqué la couleur du diamant avec tout l'enseignement que je connais. Ce qui est beaucoup. Et j'ai parlé pendant 20 minutes, une demi-heure. Et après, les Bulgares sont venus me trouver et m'ont dit « c'était fantastique ». On avait l'impression d'être devant le maître Peter Donov. C'était fantastique. Et je n'ai rien dit. Je suis simplement reparti. Parce qu'encore une fois, mon chemin n'est plus là. J'ai fait l'expérience avec une élève qui était très très forte en astrologie, parce que j'aime bien faire de la vivisection, si je puis dire, même si j'ai largement combattu la vivisection quand j'étais plus jeune. J'ai présenté une fois donc mon thème astrologique de Peter Donov, puis le thème astrologique de la mort du maître Peter Donov, puis le thème astrologique de la naissance de Iji. Et l'astrologue a trouvé ça fantastiquement intéressant. Il dit, voilà ce que le maître Peter Donov a accompli dans sa vie. À sa naissance, à sa mort, si on fait le deux thèmes astrologiques, on voit qu'il a accompli ça et ça et ça. Et puis, pendant la mort, il a accompli ça, ça et ça. Et toi, quand tu es arrivé, tu as pratiquement le même thème astrologique que le maître Peter Donov, avec quelques petites différences là et là et là, des choses qui ont été accomplies. C'est fantastiquement cohérent et clair. Là, je ne fais que répéter ce qu'elle a dit, hein, parce que l'astrologie et moi, c'est pas exactement ma spécialité. Mais c'est intéressant de pousser des jeux comme ça très loin. Un jour, j'ai été voir une dame à Toulouse qui s'appelle Annie, qui s'appelait, elle est aujourd'hui, Annie Mouret. Annie Mouret, en hébreu, si je dis Annie Mouret, ça veut dire « je suis un professeur ». Et son nom, c'était Annie Mouret. Annie, A-2-N-I-E, Annie Mouret. Et c'était une médium la plus fantastique que je n'ai jamais rencontrée. Elle m'a parlé pendant 7 heures. 7 heures où j'ai tout enregistré. Pas une minute d'erreur. En ce temps-là, je travaillais avec le maître Omram qui m'avait dit de travailler sur un traumatisme qui m'était arrivé quand j'étais enfant. J'estimais que c'était environ, d'après mes recherches, en faisant du travail de méditation, etc., entre 2 et 3 ans. Et j'imaginais une engueulade avec mes parents, j'avais vu touche pipi, ils étaient en train de faire l'amour, et je l'avais vu, quelque chose de traumatisant, quoi, enfin, un truc. Et j'arrivais pas à trouver. Et quand je suis arrivé chez Annie Mouret, évidemment, juste bonjour, ainsi de suite, elle m'expliquait pendant 1 minute comment elle travaillait, elle montrait avec son bras gauche, avec son bras droit, enfin, elle avait son système. Et puis, après, elle ferme les yeux, elle se concentre, elle dit, sa première phrase, « Qu'a-t-il bien pu arriver à cet enfant de 1 an et demi ?» À cette phrase, elle me dit, « Oh putain, ça va faire mal, ça va faire très mal. » Et elle m'explique, et ça c'est une découverte, enfin je veux dire, à un moment elle me dit, bon, vous avez 3 frères, pour me décrire ma jeunesse, je dis non, j'ai 2 frères, je suis désolé. Elle me dit, non, vous avez 3 frères, je dis non, je suis désolé, j'ai 2 frères, je suis grand quand même, j'ai 2 frères. Je dis non, vous avez 3 frères. Et en fait, il se trouve que j'ai un frère qui a 20 ans de plus que moi, et que j'ai jamais vraiment catalogué comme frère, c'est plutôt mon oncle, je l'ai jamais vu à la maison, quoi. Et au bout de... Oh, mais vous avez... J'ai 3 frères, excusez-moi. Vous vous rendez compte? Je la contredis, et elle insiste. Et c'est elle qui a raison. Vous vous rendez compte? Le niveau de médiumnité, de clarté. Et elle me décrit, 1 an et demi, je suis dans mon lit, etc. Elle me décrit la position, je fais la sieste, je suis là, elle me décrit où est le lit. Et plus tard, j'ai vérifié avec ma mère, c'était tout à fait exact. Et donc, je suis dans un lit-cage, parce que j'ai 1 an et demi, je ne peux pas sortir du lit-cage, et mon frère est venu et a claqué la porte, et ça m'a réveillé. Et j'ai voulu sortir du lit, j'ai appelé au secours, et j'étais coincé dans le lit. Mais quand elle a fait ça, elle a décrit, elle a fait 3, vous êtes dans votre lit, vous êtes dans telle position, 2, vous avez ceci, 1, vous êtes comme ça, et voilà, la porte a claqué. Et je me souviens, j'enregistrais en même temps, je prenais des notes parce que je suis très technique, et elle a si bien fait que j'ai même lâché le crayon, elle m'a fait sauter. Et voilà, chose à savoir, c'est qu'aussi loin que je puisse me souvenir, pour m'endormir, ou lorsque je méditais, je me relaxais et j'entendais « Vlan !» la porte qui claquait. Et après, je pouvais dormir ou méditer. Et j'ai jamais trouvé cet élément-là parce que ça faisait partie de ma vie. J'ai toujours entendu la porte claquer. Pendant 25 ans, j'ai entendu la porte claquer. Et je le notais encore plus parce qu'à un moment, j'étais allergique au pollen. Et je prenais des polaramines Repetas, qui étaient des polaramines, un médicament contre l'allergie, mais qui était un véritable somnifère pour moi. Et là, je m'endormais 5-6 fois par jour, je rêvais, et j'entendais sans arrêt les portes claquer. Et à tel point que même avec ma copine, je disais, tiens, je vais me prendre un petit peu de porte. Quand je prenais du polaramine, je vais me prendre un petit peu de porte à claquer. Mais je n'avais jamais fait le lien en même temps, ça faisait partie des meubles, quoi. Et quand Annie Mouret a fait ce truc-là, je n'ai jamais plus de ma vie entendu la porte claquer. Ça, c'est la puissance de la psychologie, c'est ce qu'on découvre, c'est ce qu'on nettoie avec le temps, avec le travail. Et nous avons parlé du maître Peter Denov, ou plutôt on en a parlé, Elle m'a dit, oui, votre travail est fini, cette vie est finie, mais pourtant votre vie d'aujourd'hui n'est qu'une prolongation. C'est pas une vie à part entière, c'est une prolongation de la vie du maître Peter Denov, la fin du travail. Je spécifie par exemple que quand j'avais rencontré Annie Mouret, il y avait plusieurs médiums qui commençaient à tourner autour de moi, qui s'intéressaient à l'étoile montante, parce qu'ils voyaient que je pouvais faire plein de choses. Et donc, moi j'avais besoin de savoir, c'était un peu difficile, j'étais assez débutant encore, et j'ai donné plusieurs noms. Et à chaque fois, je disais quel est le niveau. Et elle notait sur 20. Et elle disait, oh, celle-ci, donc je crois qu'elle montrait positif à gauche et négatif à droite. Donc elle montrait avec sa main en descendant, c'est 2 sur 20. Essayez de l'éviter. Après une autre personne, 3 sur 20. Essayez de l'éviter. 2 sur 20. Essayez de l'éviter. Elle a descendu plein de médiums qui tournaient autour de moi, ce qui m'a permis de clarifier plein de choses. Et puis à un moment, j'ai demandé aussi au niveau de Madeleine Chavanon. Elle est descendue à 18. Elle s'est arrêtée à 18, elle dit. Alors elle, c'est pratiquement la quasi-perfection sur Terre, hein, parce qu'elle parlait comme ça avec un accent un peu toulousain. Et puis, donc ça, c'était très positif. Puis après, ah, mais fin de vie. Dans 6 mois, elle est partie. Et 6 mois plus tard, Madeleine était morte. Alors qu'au moment où elle a dit, oui, Madeleine était âgée, mais elle était en pleine forme. Annie Mouret avait raison. À la date près. Annie Mouret ne recevait les gens qu'une seule fois dans la vie. En tout cas, c'était son protocole. Moi, à un moment, elle m'a contacté, elle m'a dit, les guides veulent vous reparler. Et donc, j'étais même en urgence avec le TGV pour être au rendez-vous. Elle m'a dit, venez demain, les guides veulent vous parler. Et je sais que c'est une chose qu'elle a fait avec personne ou pratiquement personne. Bon, ce qu'elle m'a raconté, c'est encore une autre histoire. Mais les guides sont capables d'utiliser, les guides de lumière sont capables d'utiliser tout le réseau de lumière qui existe à travers une personne, à travers une autre, à travers soi-même, à travers les événements, à travers les animaux, partout, en toute chose, en tout lieu. Et les choses se connectent petit à petit, d'une façon magique et intense. Et pour finir, il y a une entité qui est devenue mon amie et qui s'appelle la Fée Dorée. La Fée Dorée, c'est une entité qui enseigne la musique. Et avec elle, j'ai étudié la musique. Il m'est arrivé de faire des concerts, alors qu'avant, je ne connaissais pas du tout la musique. J'enseigne le chant, il m'est arrivé de faire des concerts, parce que petit à petit, j'ai aussi appris ça. Donc, quand les gens essayaient de dire, mais où est-ce que tu as appris la musique? J'ai eu quelques professeurs physiques quand même, hein. J'ai eu Joseph Gros en flûte, qui est une autorité de la flûte au niveau mondial. Donc, j'ai fait quelques stages avec lui, mais surtout, principalement, j'ai appris la musique avec l'entité La Fée Dorée. Et La Fée Dorée, elle a une origine slave. Elle a vécu en Russie au moment de la famine. Et lorsque les gens mouraient, c'était une jeune enfant, et lorsque les gens mouraient de faim, elle y allait, elle chantait. Et elle accompagnait les gens avec des chants de son cœur, de son âme, quand les gens mouraient. Puis quand elle-même est morte de faim aussi, elle a chanté en mourant. Puis elle est devenue la fée musicale dorée. Et par la suite, elle est devenue très amie avec le maître Peter Donov. Et lorsque le maître Peter Donov a créé la panrythmie et plus tard dansé la panrythmie, au lieu de danser la panrythmie avec les autres, il dansait en Bulgarie, il y avait l'orchestre au centre du cercle, et il dansait autour du cercle, autour de l'orchestre. Hein, le cercle étant, souvent il y en avait 2 ou 3 même, était très grand, très large. Très loin, et lui il dansait autour des musiciens, et il dansait seul. Et lorsque les gens le voyaient danser, ils voyaient une forme lumineuse petit à petit qui apparaissait comme une espèce de fantôme lumineux et qui dansait avec lui. C'était la fée dorée. Et le prochain chapitre, je vais vous faire rencontrer la fée dorée, puisqu'en général, je ne garde pas les enregistrements, mais celui-ci, j'ai gardé l'enregistrement, qui n'est pas de meilleure qualité, mais vous pouvez tout de même entendre. Donc ça vous fera vivre, au lieu de Iji qui vous parle sans arrêt, ça vous fera vivre quelque chose où vous pourrez découvrir un petit peu une aventure qui, elle, est restée enregistrée, une aventure qui s'est passée en Belgique. et que vous allez pouvoir découvrir. Comme ça, vous découvrez un autre aspect de toute cette magie que l'on découvre, dans laquelle on vit, lorsque l'on vit avec cette intensité de lumière où l'obscurité, le mal est toujours refusé. Je ne négocie pas avec le mal. La réponse est non. Je ne suis que avec la justice, que avec l'amour. J'ai appris à incarner le pentagramme de lumière. Amour, sagesse, vérité, bonté, justice. Pour incarner la liberté. La liberté de la lumière, pas la liberté chaotique. La liberté d'être l'essence même de ces cinq qualités qui doivent se concentrer dans notre cœur. Et notre cœur, chaque battement, est une pulsation électromagnétique qui irradie dans tout notre cœur et qui programme nos cellules et l'ADN pour n'être plus qu'en vibration totale de toutes ces choses-là. Un jour, j'ai été voir un monsieur qui travaillait sur les corps énergétiques. Et comme je suis diabétique et que je suis faible, mais que j'ai une très grande volonté, ça ne se voit pas. Ben maintenant, plus en étant aveugle et ainsi de suite, mais dans ce temps-là, ça ne se voyait absolument pas. Et donc, j'ai été voir ce monsieur qui travaillait sur un système de vibration particulier. Il disait, voilà, quand vous avez 0, vous êtes mort, 1000, 2000, 3000, vous êtes agonisant, 4000, vous êtes très très faible, très très malade, et 7000, vous êtes bien. 7500, vous avez une forme olympique. Donc, voilà, il explique d'abord son truc, quel que soit son système, et puis il se concentre sur moi avec son pendule, ses systèmes, quels qu'ils soient, et il me dit, voilà, je regarde en général votre corps, et il me dit, vous êtes à 7500, vous avez une pêche incroyable, vous avez une forme fantastique. Et en moi-même, je me disais, toi, je ne vais pas te payer. Hein, et après, il me dit, maintenant, je vais me concentrer sur votre corps organique. Et ok, très bien, donc il fait la même chose sur le corps organique, et il trouve 4000. Et là, il dit, je comprends pas, c'est pas possible. Vous avez 4000 sur le corps organique, vous êtes complètement détruit, mais vous avez 7500 en général, c'est impossible, je comprends pas. Et le corps organique, bon, ça touche le diabète, ça touche tous ces trucs-là, et là, je me suis dit, peut-être que je vais te payer finalement quand même. Puis après, il se concentre sur le corps mental. Et le corps mental, il trouve 7500. Il dit, attendez, corps mental, vous ne pouvez pas avoir 7500 en ayant un corps organique à 4000 parce que vous êtes faible et ainsi de suite, vous n'avez pas l'intensité, je ne comprends pas. Puis après, il se concentre sur le corps spirituel. Même chose. Et il monte, et il arrive à 40 000. Alors qu'il me dit, 7500, c'est la même chose, c'est le même niveau pour tous les corps. Alors, il arrive à 40 000, 45 000, un niveau très élevé comme ça. Puis ça me dit, waouh. Et il me regarde très surpris, il dit, vous avez déjà entendu parler du channeling, de l'inspiration des guides de lumière? Et je me suis dit, bon, je crois que je vais être payé finalement. Donc, encore une fois, la spiritualité, elle se construit pas dans le délire, mais vous faites des expériences, vous testez, vous allez plus loin. Une fois, j'ai une amie qui a été voir une médium à Fréjus. Je ne sais pas qui a été voir, elle m'a dit que c'était une femme très renommée, qui avait le titre de truc, machin, trubidule, paraît-il qu'elle est très forte, je n'ai jamais rencontré, je ne la connais pas. Donc elle m'a dit des trucs, c'est elle qui m'en a parlé plus tard, après mon amie, elle me dit, attends, elle m'a dit des trucs très justes sur ma vie, ainsi de suite. Et puis, comme c'est une fille qui m'aimait beaucoup, elle m'a dit, je voudrais que vous me parliez, elle voulait comprendre un petit peu sur moi. Donc elle a dit, voilà, je vous ai amené la photo d'une personne, je voudrais savoir un peu plus sur lui ou les relations que je pourrais avoir avec lui. Donc elle présente ma photo. À la médium dit simplement sur lui, je ne peux absolument rien vous dire, je n'ai pas le droit. Par contre, si lui veut bien se déplacer, je serais enchanté qu'il me fasse une séance. Parce qu'il est largement au-dessus de moi. Donc, forcément, la fille m'a rapporté ça en disant, je ne comprends pas. Je dis, moi non plus, je ne comprends pas. Découvrir la force de la lumière, c'est aussi vraiment travailler sur son humilité. Et à chaque fois qu'il y a des choses, rester dans la pure foi de la connexion, mais dans le chemin de l'humilité. C'est pas parce que votre âme est grande que votre orgueil doit, que votre ego doit s'enorgueillir. Plus votre âme est grande, plus vous reconnaissez la puissance de votre âme, le rôle de votre âme, la présence de votre âme et de la lumière dans la vie, et plus votre ego est discret. Et pour les gens, c'est très difficile à comprendre parce que je reconnais les capacités. Je reconnais les faits, la vraie connaissance. Et je rigole totalement sur le cinéma de l'opinion et de l'orgueil de l'ego qui ne s'est construit que dans le monde de l'obscur de notre humanité présente. Donc, encore une fois, puisque j'ai eu d'autres professeurs, je suis très différent. Et c'est pourquoi je suis condamné à être seul. Le résultat de ma lumière, la réussite de la lumière, me fait être un victorieux dans la lumière et un perdant dans l'obscurité. Donc, un perdant dans l'humanité, puisque toute l'humanité est obscure, je suis seul. Et pourtant, je suis un avec l'unité.